Tu vois ce qui sort du corps, ce que l'homme cache en silence. Tu vois les faiblesses du cœur, les limites de l'existence. Tu poses des temps de retrait, tu traces un chemin de prudence. Car tu veux protéger la vie et garder la sainteté du camp. Ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour rejeter, mais pour apprendre à respecter ce qui doit être préservé. Tu appelles à la pureté. Chemin de retour. Même les gestes les plus simples ont besoin de ton secours. Quand vient le temps de la guérison, quand le cycle s'apaise enfin, tu invites à la restauration par le sang et par le pardon. Tu rappelles que la sainteté n'est pas la fuite de l'humanité, mais un chemin humble et vrai où ton amour vient nous laver. Tu appelles à la pureté, à une vie mise à part, non pour écraser nos fragilités, mais pour nous garder dans ta lumière et ton regard. Tu appelles à la pureté pour s'approcher de ta présence, et même dans nos quand l'âme se sent faible et lourde, tu ne changes pas de regard, tu restes fidèle dans l'épreuve. Tu ne détournes pas ton amour à cause des limites de l'homme. Tu dresses toujours un chemin vers ta maison, vers ton trône. Tu appelles à la pureté, mais pour nous garder dans ta lumière et ton regard. Tu appelles à la pureté pour s'approcher de ta présence, et même dans notre humanité, tu ouvres un chemin d'obéissance. Purifié pour s'approcher, gardé par ta vérité, nous marchons sous ton regard, dans la paix de ton regard.